ne vogue pas. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 10e épisode de l'Another Podcast. Aujourd'hui, nous sommes trois pour présenter l'émission. Il y a moi-même, François, Laurent et Dominique. Alors, on a préparé une petite émission spéciale, spéciale dans le sens où elle sera peut-être un peu plus longue que les autres. Et pourtant, enfin, on est moins. Il faut dire que ça fait 2 semaines qu'on accumule les sujets, les actualités. Et je vous propose tout de suite de commencer avec un sujet. C'est vrai qu'on parle pas souvent de films. Et quand j'ai vu la news, je me suis dit, allez, c'est l'occasion de parler d'un bon film. Un bon film. Alors si je vous dis un franco-belgo-russe, vous me dites, gros GG. Gros GG. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, hein, bien sûr, Gérard Depardieu a récemment joué dans un film qui était en production l'année dernière, enfin en 2012. Donc... Il n'y a que lui qui pouvait le faire rire. Il n'y a que lui, c'est le personnage. Voilà, il incarne parfaitement le personnage dans tous les sens du terme. Donc le film va tout simplement reprendre l'affaire DSK, qui date un peu maintenant, mais qui a mis toujours un peu... Toujours présent dans les C'est même pas sa vie, c'est l'affaire DSK Non, c'est bien l'affaire DSK, on ne parle pas de Dominique Strauss-Kahn. D'ailleurs, le titre du film s'appelle « Welcome to New York ». C'est très bien trouvé. voilà, on a tout résumé. New York, DSK. Qu'est-ce que tu fais quand t'arrives à New York? Va au Sofitel. Direct. Le monument le plus visité avant la Statue de la Liberté. Il n'y a pas de femme de ménage ou femme de chambre, ouais. Statut, c'est normal. Donc le film va sortir en VOD, et par conséquent, il ne sortirait pas au cinéma en France. Quel dommage. Alors tout cela s'explique assez simplement, parce que lorsqu'on regarde en France, il est interdit de sortir un film en VOD et de le sortir en même temps au cinéma. En même temps, oui, c'est compliqué. Ça va ruiner la carrière de notre GG. Je sais pas, c'est un mauvais coup de... c'est un coup de pub, hein. Un coup de pub mauvais ou bon reste un coup de pub. Le fait est que, voilà, donc il ne sortira pas en salle, mais il sortira en salle dans d'autres pays où cela est autorisé. Par exemple, les États-Unis, on peut très bien avoir une sortie VOD, une sortie cinéma en même temps. Autre raison, ils ont hésité, hein, à savoir est-ce qu'on le sort en cinéma d'abord en France et dans les autres pays, et après on le passe en VOD. Et vu qu'aucun investisseur français n'était présent, parce que d'habitude on aura Canal+, on aura France 2, voilà, généralement ils participent, et bizarrement, sur cette affaire... Aucun investisseur français. Ah, c'est dommage. Bah oui, c'est bizarre. On verra s'ils ont eu tort ou pas. Le film a été réalisé donc par Abel Ferrara. Un grand réalisateur, oui. Voilà, afin de retracer la désormais célèbre affaire du Sofitel. Personne n'a envie de résumer, je pense que c'est clair pour tout le monde. Ou pas. Moi, ce que j'ai envie de savoir, et apparemment il n'y a pas encore vraiment de news là-dessus, c'est comment est-ce qu'ils vont tourner ça. Est-ce qu'on va partir du point de vue de DSK? Plutôt de... Bon, comment s'appelait la femme de chambre Diallo. Satou Diallo, ou du point de vue de la police. Tout est possible. Il faudrait mieux de faire un film neutre, je pense. On verra. On verra bien. Ça aurait pu être un épisode dans un Sherlock ou dans un Élémentaire. Mais ça a déjà été adapté. Je me souviens qu'il y a une série que je suis beaucoup. Si, oui. C'est ce qui passe sur TF1 qui s'appelle, alors en français, ça doit être New York Police d'État. Non, pas Police d'État, non, New York Police d'État, non. Pas Police judiciaire, mais Affaires criminelles, bref, voilà, avec le couple, ils en sont à la 18e saison. Et je me souviens qu'un dernier épisode d'une saison, et qui donc c'était quelques semaines après l'affaire, ils ont fait un épisode... qui était vraiment centré sur ces affaires-là, voilà, avec un diplomate qui était italien et pas français, qui a c'était fait des grosses allusions, quoi. C'était pas. Ah, mais c'était vraiment. Ouais, bien à faire. Bon, il restait toujours un viol dans un hôtel au centre, je pense. Voilà. Donc, autre information par rapport au film, hein, qu'on attend vraiment tous avec impatience. LOL. Ah, ouais, ce qui est amusant, c'est de voir les chiffres de piratage. Maintenant, c'est la nouvelle jauge. Parce qu'on sait que Game of Thrones, ça marche beaucoup parce que c'est très, très, très piraté. Et on verra quels sont les niveaux de piratage. Mieux que les critiques ciné, le nombre de téléchargements. Ce serait une idée, ça, faire un site qui reprend le nombre de piratages et tu fais un classement des succès. Ouais, je suis sûr qu'il y a des Pirate Bay, etc. Je pense qu'il doit y avoir des choses dans le genre derrière. Donc, par exemple, le rôle d'Anne Sinclair qui devait être distribué à Isabelle Adjani. Donc, ils ont passé un petit extrait où on voit donc l'actrice Jacqueline Bisset qui joue le rôle d'Anne Sinclair. On la voit dans un Sofitel, etc. Non, elle n'est pas dans le Sofitel, elle. C'est la femme du... Ouais, c'est... En tout cas, dans la scène peut-être qui paraît, qu'il y a eu des scènes, ça laisse imaginer que tout cela se passe dans un sofitel. Ils ne se sont pas basés sur l'histoire à la seconde près, quoi. Donc ils ont dû adapter un petit peu. Oui. Malheureusement, on ne voit pas encore de prestation du gros GG. Ah là là, quel dommage. Alors moi, je me souviens qu'à l'époque, le petit journal avait été sur les lieux de tournage. Ils sont arrivés sur les lieux de tournage juste au moment où ils jouaient la scène après. C'est crucial. Voilà, après que l'affaire ait eu lieu, donc il y avait tous les journalistes devant la maison de DSK. A eu lieu ou pas, on ne sait pas, puisque c'est soldé sur un non-lieu. Ouais. Tout à fait, mais le fait est donc qu'il y avait tous les journalistes, et le petit journal s'est ramené là, ils lui ont fait « Oh, vous avez une caméra, venez, vous allez faire partie du film ». Donc apparemment, le petit journal sera bien dans le film, en train de faire semblant de filmer, alors qu'eux filmaient vraiment, mais ils n'ont pas eu le droit de diffuser la bande, c'était assez marrant. C'est sympa, ça. Mais après, ils ont montré les coulisses de tournage, donc le petit journal se met là et filme plus ou moins la loge de Depardieu. Mmh. Et tout d'un coup, il y a Depardieu qui passe sa tête. Il fait « Le petit journal !» Et il repasse sa tête de l'autre côté, donc on voit plus comme un gamin, quoi. Et après, il fait « Le petit journal m'habite !» Le petit journal mon cul, des trucs. Excellent. Vraiment lamentable. Enfin, le grand acteur. Voilà, le grand acteur, c'est la fin de la journée, il a déjà bien commencé à vider, à vider son esprit. Et sa bouteille aussi. Donc voilà, le film sera apparemment aux environs de 7€, disponible en VOD. Non, il sera à 7€. Alors, il devait aussi apparaître au Festival de Cannes, mais pour certaines raisons que le public ignore. Ah. Alors, notamment parce qu'il n'y a pas eu d'investisseur français, etc. Et puis que l'affaire est quand même assez, en France sensible. En tout cas, voilà, sensible. Et il sortira entre le 14 et le 25 mai prochain. Oh, oui. C'est bientôt tout ça. Autre petite news pris à la volée. Alors je sais que toutes les semaines on parle d'Hearthstone, et ben pourquoi pas déroger à la règle. C'est étonnant. Mais c'est pour ça qu'on a fait deux semaines de pause. Hein. C'est vrai, justement... mais toutes les semaines pratiquement il y a des actualités sur Hearthstone. Donc il y a eu bien évidemment la sortie sur iPad. Alors c'est vrai que pour ceux qui ont pu la tester, c'est vraiment une interface qui est bien faite, qui ressemble exactement à celle qu'on peut trouver sur PC. Et ça a plus ou moins amené de nouveaux joueurs. Mmh. Moi, je connais plein de gens qui n'y jouaient pas avant. Et lorsqu'il est sorti sur iPad, justement, s'ils sont mis. Et j'ai vu, Dom, que toi, t'as trouvé une autre version d'Hearthstone. Un peu plus différente. Un petit peu différente. Il y a un joueur qui s'est amusé à mettre un site en ligne. Où, quand on se connecte sur le site, on voit une partie de Hearthstone en cours. Donc, contre des adversaires réels. Et tous les joueurs qui sont en train de participer, de regarder la partie, peuvent participer. En bougeant simplement leur souris sur l'écran, en manipulant, comme s'ils jouaient vraiment à Hearthstone. Donc, si moi, quand je me suis connecté, on était une cinquantaine de joueurs en même temps à essayer de bouger des cartes, de jouer des cartes, de lancer des sorts, etc. Et l'ordinateur prend en compte toutes les demandes en même temps et joue vraiment, lance les résultats au jeu Hearthstone qui est vraiment connecté sur Battle.net et qui joue vraiment une vraie partie. Et donc, on était une cinquantaine à jouer en même temps, alors peut-être que ça monte à des milliers, etc. Mais c'est assez amusant comme expérience. Donc, il y a vraiment un compte qui a été créé spécialement c'est pour le jeu du développeur. Oui, Est-ce qu'on a le nom comme ça si un jour je tombe contre lui? C'est Hearthmind, à mind comme esprit, quoi. Donc, tout collé, Hearthmind. Et oui, peut-être qu'en l'ajoutant à vos amis, vous pourrez une chance de le provoquer en duel, mais bon, parce que nous, on jouait contre un vrai adversaire en face. Tu joues contre lui, t'as le stress, t'as plein de gens contre toi qui te regardent. Ouais, mais bon, ça provoque des erreurs, parce que quand t'as 50 joueurs en même temps qui essayent de donner des ordres, ça donne parfois des ordres contradictoires ou des erreurs. Nous, on a failli tuer une de nos propres créatures, mais on le sait, on est bien sorti quand même, mais c'est assez amusant, quoi. Mais c'est ce que je me demandais, comment est-ce qu'il gère la priorité par rapport à cela? Faudrait se renseigner. Le plus logique, voilà, on prend la statistique de ce qui a été le plus joué. De joueurs, mais c'est vraiment bien fait parce qu'on voit les traces à l'écran de tous les ordres demandés. Moi, j'ai essayé d'appuyer sur le bouton exit. Moi, ça marchait pas. Mais t'as pas essayé de faire tomber une lanterne, etc. Si, ça marche. Oh. On était sur la carte, pour ceux qui connaissent, où il y a un gong. Et j'ai cliqué pendant 5 minutes sur le gong et j'entendais le gong qui sonnait de temps en temps. J'étais content. Le casse-cou du jeu. Pendant que des joueurs essaient de jouer sérieusement, moi j'appuie sur le gong. C'est comme si tu étais sur un iPad ou un vrai écran d'ordinateur sur lequel on avait branché une centaine de souris et où 100 joueurs en même temps faisaient ce qu'ils voulaient. Tout le monde appuie sur Anarchie. Alors il y en a peut-être 20 qui vont appuyer sur le gong, 10 qui ne vont rien faire, 20 qui vont essayer de lancer la carte de gauche, d'autres qui vont essayer de lancer la carte de droite. Et voilà, c'est assez amusant. C'est assez sympa. Après, imagine que tu joues à Earthmine et en même temps tu joues et tu tombes contre ton compte. Oh. Du coup, tu fais exprès de jouer les mauvaises cartes. Bon, c'est pas près d'arriver vu que j'ai jamais croisé le même joueur, je pense, sur une partie de Hearthstone. Il y a trop de monde, je pense, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Qui... Et puis, je me demande si on fait tant attention que ça au perso, au pseudo de l'adversaire. Je pense pas, non. Tu retiens peut-être ceux contre lesquels tu te fais massacrer, peut-être. C'était qui cet enfoiré? Voilà. Moi, je sais que des fois je perds une partie dès le début, vraiment comme une merde, et tout d'un coup j'ai une nouvelle demande d'amis, tu vois. Ah, comme toi, tu m'as pris pour le con. Ah, tu peux faire... peut-être tu peux faire exprès de perdre pour que le joueur, et là tu te venges. Ouais, ouais. Après tu l'invites. Ouais. Un autre petit jeu dans la foulée, hein. Je regarde rapidement le temps, hein. Il nous reste un peu de temps. Avant l'intervention des intermittents du spectacle, je vois qu'il y a une version Baldur's Gate sur Android. Mmh. Alors celle-là était très attendue. Bah, tous les vieux jeux PC et autres consoles, Amiga, Atari, etc., finissent par sortir sur Android. Des fois c'est bien, des fois c'était pas bien. Mais bon, Baldur's Gate, c'est pas forcément la portabilité qu'on verra la plus évidente lorsqu'on voudra porter un jeu. Au niveau graphique, puissance, etc., je vois bien que ça peut tenir. Le problème, c'est que c'est un jeu vraiment sur lequel tu dois passer du temps, quoi. Donc, est-ce que c'est vraiment adapté à un jeu sur téléphone? Tu crées ton perso, t'as plus de batterie. Bon, peut-être sur tablette, etc., si tu veux passer un peu de temps, mais... Enfin, moi, j'ai fait les Final Fantasy sur Android. Mm-hmm. Tout ce qui permet de sauvegarder à tout moment est bon à prendre. Ouais. Il y a d'autres jeux, on en parlera la semaine prochaine dans le jeu spécial plateau. Est-ce qu'on est au niveau du simple émulateur ou du jeu qui est refait, adapté avec une interface refaite et le fait de jouer avec la surface tactile des téléphones et des tablettes? Alors là, on est vraiment sur une adaptation qui te met juste en place un système où tu peux bouger la souris, etc. Non, c'est juste une espèce d'émulation bête, quoi. Donc ça reste encore assez jouable. Le problème, c'est que ça reprend Baldur's Gate et ils te mettent Enhanced Edition ouais. Donc en une édition améliorée de par le contenu. Améliorée et déjà sortie sur PC avec des meilleures textures, etc. Donc voilà, c'est peut-être juste à l'occasion de la sortir aussi sur Android. Alors, le problème, c'est que tu dis amélioration de texture, mais apparemment non. Enfin, moi, je sais plus ce qu'il y avait d'amélioré. Ils ont sorti ce jeu donc 15 ans plus tard et ils ont quasiment rien changé. L'aventure reste la même, sauf qu'ils ont ajouté l'extension Tales of the Sword Coast. Mm-hmm. Tout ce qui est décor sont repris, mais sans la moindre amélioration. Donc c'est ça qui fait bizarre. Par exemple, il y a eu un mec qui avait fait ça pour Arcanum, je me souviens. Mm-hmm. Bon, ça c'était c'était pas officiel, mais il avait fait une version HD, etc. Ça arrive pour tous les jeux. Il y a toute la série des Elder Scrolls aussi. Les gens, ça met voilà. Quelques semaines après, on peut déjà télécharger des packs entiers de textures haute résolution, des gens qui sont amusés à refaire les arbres, la végétation, les costumes, etc. Mais on se demande pourquoi c'est pas déjà fait quand ça sort, quoi. Pourquoi les développeurs se cassent pas le cul à faire des arbres, quoi. Quand je regarde des textures sur Skyrim quand il était sorti, tu regardes le jeu deux semaines plus tard, t'as des mecs qui ont fait des mods, t'as des persos qui ressemblent à quelque chose, mais un truc de ouf. Après, tout le monde peut pas forcément afficher les mêmes textures. Hein. Ouais, mais enfin, moi, ce que j'attends d'un vrai jeu, c'est t'as des textures qui sont vraiment réalistes, où les mecs, ils passent, je sais pas, moi, 10 heures de travail sur un arbre, mais au moins, il est là, quoi. Moi, je veux des textures où ton PC, il rame alors que c'est le dernier PC qui vient de sortir, quoi. Sur cette belle note, on fait une petite pause pour accueillir les intermittents du spectacle, et on se retrouve juste après. Vous êtes toujours sur l'Another Podcast et dans la radio Bellafonte. On continue cette émission, on parlait d'une portabilité de Baldur's Gate sur Android. Et il y a aussi une autre portabilité qui va arriver d'ici la fin de l'année. Hein. Je m'excuse, on va encore parler de Hearthstone. Mais Hearthstone, lui, sortira également sur Android. C'est prévu. À quand une émission sans Hearthstone? Sans Hearthstone. Dans le titre. Après, moi, j'ai un peu peur, hein, parce que déjà sur iPad, tu sens que ça commence à être petit. Oui. Alors sur mon téléphone, j'oublie. Hein. À moins qu'ils font un truc avec une nouvelle interface. Ouais, c'est pour les tablettes, alors peut-être. J'ai un peu du mal à y croire. Hein. Est-ce qu'on se ferait pas une petite pause album découverte? Ou on enchaîne tout de suite sur un sujet? Ah, ouais, c'est vrai qu'on peut changer. Là, on a déjà fait 2-3 sujets, c'est pas mal. Petit album découverte, qu'on va peut-être tourner en blind test. Aïe, aïe, aïe, aïe. Vas-y, allons-y. Je suis prêt. Je ne vais pas trouver, mais je suis prêt. Bien sûr que je l'ai. J'ai même été acheter l'album. Sur Amazon. Sur Amazon. Donc il va m'être livré, mais en attendant, j'ai reçu une version MP3 que je peux écouter tout de suite. C'est vraiment magique. On va tourner cette découverte musicale en un petit blind test pour tous. Hein, on se plaint souvent que le blind test est trop dur. Cette fois-ci, il est pour tout le monde. Alors, comment expliquer cet album qui s'appelle Rock Swings ? Le Rock Swings. Alors, c'est des reprises de Paul Anka. Ah, Paul Anka, enfin, il est connu. Enfin, il est connu des gens qui connaissent, mais c'est un crooner qui a commencé sa carrière dans les années 50-60, quoi. C'est du niveau de Sinatra. Enfin, vraiment, c'est vraiment un des chanteurs les plus connus. Et en 2000, ouais, dans les années 2000, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. 2007 2000, oui, l'album de daté de 2000, ouais, de 2005-2007, quelque chose comme ça. Il s'est mis dans la tête de reprendre des classiques du rock, enfin des classiques, ouais, rock moderne ou un peu plus ancien, mais... Enfin, son crooner. Qui ne s'adapte pas forcément au style qu'il fait. Hein. Non, lui, c'est plutôt jazzy, crooner, etc. Voilà, la pure chanson. Mais ça donne des choses très intéressantes. On est à ça. Il y a quelques semaines, on a fait les Moog qui feraient des morceaux classiques du rock classique et moderne en Moog, et on est au même niveau. Voilà, enfin, sauf que là, il y a vraiment... y a des titres identiques. Absolument. Paul Anka. Donc là, on est vraiment dans l'ambiance pure crooner des années 50-60. Voilà. Las Vegas, on se croirait dans un concert immense à Las Vegas. Avec l'orchestre derrière. C'est vrai que voilà. Je viens de sortir du casino, j'ai bien mangé. Je vais à un concert de Paul. Dans le casino. Il faut retrouver bien sûr le titre de la chanson. Ça ne dit pas grand chose. Les paroles sont identiques, bien sûr. Je connais l'album, mais pourtant. Ça me dit quelque chose de loin. On attend le refrain. C'est parti. Et du même, It's My Life. Ah, oui. C'est pas Bon Jovi Possible. Oh, mais Bon Jovi a tout repris aussi. Il est un peu crooner maintenant. C'est pas le Et Bon Enem l'a repris effectivement. Oh là là. It's My Life. Bon, je vais pas toutes les passer, je vais passer les plus connues, hein, bien sûr. Passe la chanson fétiche de Laurent. Enfin, la chanson fétiche de Laurent. J'ai peur. Tu dois te tromper avec la mienne. C'est la mienne, c'est ma chanson fétiche à moi. Okay. Oh là là. Quand même, celle-là. Ah oui. T'as trouvé la chanson, non? Oh, oui, je suis nul, moi. Je la connais pas. Ah, bah oui, I Will Survive. Bon. Non, c'est pas ça? Non, il vient de le dire. On n'est pas très loin. Ah, oui, Eye of the Tiger, on quitte pas. Ouais, voilà. J'ai trouvé un Back on the Street et je me suis fait mes nerfs, mais ça vient d'où? On les a tellement entendus. The Tiger. Comme quoi, on reconnaît qu'une chanson est bien à la base, tu peux la chanter de plein de façons différentes, la chanson reste bonne. C'est pas qu'il la massacre, mais tu la reconnais vraiment pas, quoi. Il a travaillé. Alors, ma chanson préférée. Hein. Voilà. Alors, est-ce que Laurent, tu vas la reconnaître? C'est trop facile. Attends. C'est le premier mot. Ça doit être Hello, tu vas voir. Oh, bravo. Is a male looking for. C'est l'heure de démarrer. Toujours. Vous écoutez Radio Bella Fond. C'est un grand accent. Paul Anka avec Rock Swings. Bon, je crois qu'on va laisser celle-là. On la reconnaît vachement mieux que les autres. Hein. On dirait qu'elle est écrite pour lui. J'avoue. Non, c'est lui qui l'a écrite. Mais il est moins vieux que les Sinatra et tout, quand même. Oui, encore. C'est plus. Si je dis pas de bêtises, c'est lui qui avait composé la musique pour My Way. Chanté par son enfant. L'adaptation de chanson de français. La chanson la plus connue de Sinatra, voire au monde. Laquelle ? My Way. Ouais, My Way. Allez, celle qui sort vraiment. Voilà, c'est là où on s'attend pas à voir Paul Encoge chanter, plus ou moins. J'ai vu le titre et je ne reconnais pas pour le moment. Ne dis pas mon cookbook, Laurent, parce que c'est pas ça. Et j'adore cette version. Ah oui, Black Olsen. Pas loin. Il y a Black Olsen dans l'album, je crois. Ouais, non, mais c'est c'est la même que mon cookbook. Les orques aussi. Les instruments derrière, au fond. Le... Alors, j'ai regardé il y a pas longtemps, Pardon My French. C'est Nirvana, mais... Et ça sent... Autant j'aime l'original, autant j'aime toutes les reprises un peu parodiques. On fera peut-être un jour un blind test avec que des reprises de... Ah, cette chanson. C'est noté. J'allais dire le titre. C'est noté, il y aura du Bonnénem, il y aura du Cookbook, il y aura du Paris Dernière. Il y aura du Weird Al Yankovic. Je connais même pas ça. On n'a plus envie de s'arrêter, hein. Une fois qu'on est dessus. C'est sûr que ça change de ce qu'on met d'habitude. On va enchaîner sur une autre news. Alors, il y a un détenu qui récemment a posé plainte aux États-Unis. Hein. Non, c'est en Angleterre. En Angleterre, pardon. Puisqu'il il a été persécuté à cause de sa religion. Tu veux pas mettre la musique de sa religion en même temps ? On pourrait. Oui. Il est chevalier Jedi. Et il se fait persécuter de par sa religion. Parce qu'il peut pas la pratiquer. C'est pas facile non plus. Donc, il a été incarcéré dans une prison de jeunes, apparemment. Et il ne peut pas pleinement pratiquer sa religion Jedi au sein du pénitencier. Quoi ça consiste de pratiquer la religion Jedi ? De combattre les méchants ? Il y a du travail en prison. L'entraînement au sabre, peut-être. Ouais, mais bon, ils vont peut-être pas l'autoriser, son sabre laser en prison. Ça, je comprends. Ça, je peux le comprendre. Ça ressemble comme une blague, hein. J'aurais pu le sortir au 1er avril, celle-là, qu'elle serait bien placée. Mais non, mais il faut savoir qu'au dernier recensement, plus de 176 000 personnes se revendiquent comme étant Jedi. Donc lui, il voit plus qu'un simple mépris vis-à-vis de la religion. Il indique que les Jedi jouissent d'une très mauvaise réputation depuis la destruction de l'étoile noire. Oui, c'est évident. Effectivement, on voit le lien. Il y a un côté terroriste, effectivement, je comprends. Que ça puisse Un coup de Ben Laden. Et dans le film Clerks, c'est un moment, justement, il parle de ça, comme quoi, lorsqu'ils ont détruit l'étoile noire, comme la majorité de l'Empire, il y avait beaucoup d'ouvriers qui étaient morts ou de soldats, ils avaient engagé des plus ou moins. En gros, c'est ça, oui. Donc il est vrai qu'il y a beaucoup d'innocents qui étaient en train de construire, qui n'étaient pas des soldats de l'Empire, qui étaient en train de construire l'étoile noire, ils sont morts dans l'explosion. Tout à fait. Et c'est bien, donc ça fait beaucoup de morts sur la conscience des rebelles. Les Jedi sont passés du côté. Obscur de la force. Et on en revient au débat, voilà, la résistance pendant la guerre, quand tu fais sauter un train, est-ce que tu es un terroriste ou pas ? Et là, c'est compliqué, quoi. Donc la grande question là-dedans, c'est comment un Jedi a fait pour se retrouver en prison ? Oui, déjà. Parce qu'ils sont censés défendre l'ordre et la loi. Ah, ou alors il a été, injustement... Meilleur judiciaire, il est tombé dans un piège, voilà. Comme DSK, il s'est fait... c'est un coup monté, peut-être ? Un site, quelqu'un, il faudrait voir combien est-ce qu'en Angleterre il y a de gens qui se rendent de la religion site. Peut-être qu'il y a des bastons de rue, hein, comme dans les hooligans au match de foot, ils se réunissent dans un endroit, ils se foutent sur la gueule, on sait pas. Donc voilà, une news à la con. On va continuer donc l'émission. J'ai vu, donc c'est dans le journal du Geek, je pense, qu'ils avaient publié un classement avec les plus gros CM fail. Community manager. Alors, un community manager, c'est quoi ? C'est plus ou moins un chargé de communication ? Voilà, sur Internet. En général, d'une entreprise, il peut s'occuper de la page Facebook, de Twitter, voilà, il est en relation, il s'occupe de la visibilité sur le net. Voilà, donc c'est un métier, pas forcément à haut risque, mais qui demande beaucoup de diplomatie, dans le sens où un dérapage peut être très vite arrivé. Et derrière, c'est la société qui trinque, quoi. Et donc, il y a le top 5 des chargés de communication qui ont fait plus ou moins des erreurs, ou en tout cas se sont permis de faire certaines choses. Le top 5 revient à la société Gaumont, puisque lors de la sortie du documentaire Justin Bieber's Believe, un documentaire qui était consacré bien évidemment à Justin Bieber, devait sortir dans les salles en 2013. Le problème, c'est qu'aucune sortie française n'a été prévue, et les fans se sont interrogés sur plus ou moins sur les réseaux sociaux en disant comment ça se fait, ça sort partout, nous les Français on n'a pas le droit de voir Justin Bieber au cinéma, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, je comprends. Donc les gens se sont plaints plus ou moins sur Twitter. Et après deux jours plus ou moins tumultueux sur lesquels Gaumont ne répondait pas, ils ont enfin adapté une réponse. Le problème, c'est que donc quelqu'un qui voulait voir le film donc a laissé un commentaire. Oui, mais vous avez qu'à reprendre le même distributeur de Never Say Never. Le problème, c'est que le tout est écrit en langage SMS. Voilà. Donc vous VS, t'as qu'à AVR qu'à reprendre, donc AVER espace KA, donc une catastrophe. Ouais, des fautes d'orthographe. Et, voilà. Et Gaumont a répondu pareil en langage SMS. C'est pas nous qu'on choisit le distributeur, le management doit le faire. Le faire FERE, c'est pas nous CEPANOU. Ouais, il a donc adapté son langage au. Donc il n'y a rien de méchant. Il faut se faire comprendre après tout. C'était pour se moquer un petit peu, on va dire. Donc voilà, donc ça c'est vraiment passé limite auprès de certains utilisateurs. Dans le fond, c'est resté un peu comme une moquerie, c'est resté assez, c'était pas vraiment méchant. Le fait est que bon, suite à la pression des fans, bien sûr, le film est sorti en France le 25 décembre. Ça marche. Donc c'était la happy end. Mais bon, c'était marrant de voir ce tweet en langage SMS. D'avoir rapport à la news d'avant. Est-ce qu'il y a des gens en France qui se revendiquent de la religion Justin Bieber? Est-ce qu'ils seraient sûrement. Je pense qu'ils seraient sûrement persécutés en prison. Mais il y a des termes pour ça. Mais bon. De quelle façon? Voilà, déjà. Je connais. Hein. Mais à la fin de Justin Bieber qui va en prison, déjà, il faut y aller. Il y va déjà en prison lui-même, Justin Bieber. Il y était il n'y a pas longtemps. Comment ça? Dis-nous tout. Ah, parce qu'il veut y prendre des parce que moi, j'ai des magnifiques cousines du côté de ma chère amie qui sont Biebers, comme ils appellent ça. Des Bieber. Eh oui, ils ont des noms. Ils ont des noms pour ça. Et c'est moche. Donc pourquoi il a été en prison? Je sais plus. Il a pris de la drogue, je crois. Ouais, tous les coups. Il a dit qu'il a pris de la drogue. Ah bah voilà, on parle de drogue, on parle de Justin Bieber, on va devoir couper l'émission. On vient et on se retrouve juste après. La censure. Nous sommes toujours sur la radio Bellafontaine dans l'Another Podcast. On continue cette émission, on était en train de faire un peu le top 5 des communications qui ont foiré pour les entreprises, donc ce qu'on appelle les CMFL, Communication Manager Fail. Et la quatrième place revient au champ. Au champ. Ça a été plus ou moins un fail. Le problème, c'est est-ce que le compte a été piraté ou non. Il y a beaucoup de chance. Ou alors, c'est un mec qui a pété les plombs. Je cite sur Twitter, donc, Auchan France, 400 euros en soins pour la plus jolie moule partagée avec @ Auchan France. Thierry, notre poissonnier, préside le grand jury à vos photos. Jusque-là, ça passe. C'est de bon goût. Ouais, enfin, c'est limite. Sauf qu'on voit le tweet 2 minutes plus tard. 150 euros en bon d'achat d'offert pour les plus beaux membres partagés avec Auchan France. Souvenez-vous, la bite ne fait pas le moine. Bon. On sent que ça dérape. 5 ans, ça dérive. Et le dernier tweet, donc 6 minutes plus tard. Naturellement, on plaisante. On ne va pas vous offrir autant. Pensez un peu à nos marges. Donc voilà, là on sent, et je pense que là le compte a été piraté. Ah, il a été piraté, ou alors c'était un stagiaire en fin de stage qui était viré, ou je ne sais quoi, puis qui se venge avant de partir. Oui, c'est arrivé. Eux, bien sûr, revendiquent le piratage. Et la troisième place revient à la SNCF. Celui-là, il est énorme. Alors, attention, on s'accroche. C'est une très belle répartie. Tu vas nous dire ça plus souvent. Comment tu vas dire ça à la radio? Eh ben, je vais le dire quand même. Oh non, je me bouche les oreilles. Donc, bip, bip, bip, bip, bip. On peut comprendre que sur le Twitter de la SNCF, tout ne se passe pas forcément comme prévu. Certains utilisateurs peuvent être des fois énervés, hein, attendre leur train, ou etc. Ouais, donc, le roi Neptune, qui est un utilisateur qui a laissé un commentaire sur la SNCF, je cite... Poli, non, pas ça. Bâtard de merde. Enculé de mes fesses, niquez vos grandes sœurs. Nique la SNCF, vous puez la mort, bande d'incapables. Bon. Voilà, donc c'est le genre de tweet qu'on supprime directement. J'imagine que les contrôleurs SNCF s'en prennent toute la journée, des trucs comme ça. Quoi. Ouais. Mais je ne pense pas qu'ils répondent de la façon suivante. La SNCF, donc le responsable manager, chargé de communication, a répondu « Bonsoir, donc Roi Neptune, nous sommes désolés qu'un de nos trains ne te soit pas encore passé dessus. » C'est très délicat. Oui, on a du mal à voir ce qui est pire entre les deux. J'avoue que... Donc bien sûr, le roi Neptune se défend, et il a bien raison. Il y en a un qui propose, qui menace de rapport sexuel. Avec l'autre, il menace de mort quand même. Enfin, ça peut niveau. Être considéré comme un rapport sexuel aussi. Hein, ouais, c'est difficile. Donc le roi Neptune s'est bien sûr intelligemment défendu en disant « Mais baisse ta grand-mère, gros fils de pute, je vais te brûler toi et ta famille, sale pédé, vous puez la défaite, sale enculé. » On dirait du Groland. On se croirait dans le casque de Groland. Voilà. Moi, le problème que j'ai, c'est lors de la première phase, il dit « enculé de mes fesses ». J'ai un peu du mal à comprendre. D'un point de vue technique. Je comprends. On a du mal à visualiser la chose. Et une autre qui a été faite, alors ça plaira aux amateurs de foot, hein, notamment sur la radio Belafonte, Au-delà du ballon. Oui, parce qu'on va parler de leur concurrent, d'une émission concurrente sur RMC. Voilà, foot RMC, bien sûr. Et eux avaient posé, le jour de la Saint-Valentin, un petit comics, donc une série d'images. Donc on voit une femme et un homme qui se tiennent plus ou moins dans les bras, et l'homme dit « qu'est-ce qu'il y a en février ?» La femme répond « la Saint-Valentin ». Et dans l'image suivante, on voit qu'il lui fout un coup de poing assez violent en lui disant « non, la Ligue des Champions, bitch !» Le bitch est important. Alors la photo, on voit bien le sang qui gicle, le qui vole, tout ça. Oui, elle est bête aussi. Ah non, mais elle le sait qu'elle a. Bon. Et elle pose encore la question. Voilà. J'avoue que c'est vraiment. Donc voilà la vision romantique de nos amis de After Foot RMC. Alors bien sûr, le post a été rapidement supprimé. Hein. On a apparemment les commentaires. Dommage, c'était drôle. Donc, ils ont même publié un communiqué après en disant « Vous êtes nombreux et à juste titre, vous êtes offusqués, etc. Nos excuses. » C'est sexiste et violent, c'est pas faux. Voilà. La palme numéro 1 revient à Canal+, donc le community manager de le cinéma Canal+. Sans doute qu'il était fatigué après des visions de films au Festival de Cannes. Ouais. Est-ce que c'est la vision des films ou les afters? Sûrement les deux, ouais. A plus ou moins posté un commentaire par rapport à la palme d'or décernée à Abdelatif Kechiche. Et ses deux actrices, Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos, pour La vie d'Adèle. Et il a posé donc un Twitter en disant, donc avec Cinéma Canal+, hein, puisqu'il est responsable de la page. Le Twitter officiel, oui. Est-ce qu'ils vont se lécher minou pour fêter la palme d'or? C'est quoi, c'est GG qui a fasté ça à tous les coups? C'est ce gros GG qui a chouré le portable de Canal+. Ouais. Donc, voilà, hein, effectivement, c'est... Oui, il était sûrement en même temps dans une fête. C'est une connotation homophobe assez évidente. Et ils ont publié, quelques excuses plus tard, « Mésentente absolue sur ce tweet en rien homophobe, surtout en cette journée, nos plates excuses. Ouais. » Mais toi, tu m'avais expliqué une technique sur Facebook, c'est pas toi, ou genre quelqu'un mettait un commentaire vraiment... Tu mets un commentaire sur une phrase anodine, tu mets un commentaire très, très offensant. Donc genre celle ma maison a brûlé, voilà. Je mets un commentaire, ma maison a brûlé. A brûlé. Et juste en dessous, toi, quelqu'un met « Ah, je suis de tout cœur avec toi, j'espère que ça se passera bien. » Et une troisième personne met mais en commentaire sur le deuxième. En disant oui, c'est bien, enfin c'est bien, ce commentaire est bien. Ou je suis content de ta réaction. Et si tu supprimes le deuxième commentaire, on retrouve avec la phrase ma maison a brûlé, et tout de suite le troisième commentaire qui vient prendre la place, ah, je suis content, enfin je suis content pour toi. Et on sent qu'il manque un truc entre les deux. Sauf que ça se voit pas, et voilà. Mais il y avait la même chose, donc ma maison a brûlé, l'autre, mais c'est bien fait pour toi, connard. Voilà. Et l'autre en dessous, mais t'es vraiment con, pourquoi tu dis ça, t'es qu'un con, et toi tu supprimes ton message. Donc ma maison a brûlé, pourquoi tu dis ça, t'es vraiment un con, machin, etc. Voilà. Ça marche aussi dans le même temps. Voilà. Avec tous les gens qui ont mis j'aime. C'est compliqué, mais bon, c'est ça. Peut-être qu'ils ont corrigé ça sur Facebook et je ne sais pas si on peut supprimer si facilement les commentaires. Ou ça supprime peut-être les commentaires. Sur réseau, il y a des mecs qui s'engueulent entre eux. Moi, à un moment, j'avais posté une réponse à quelqu'un. Puis il commence à m'insulter, ouais, mais non, c'est n'importe quoi. Et après, tu supprimes tes messages. Il y a que ces messages, donc du coup, il y a les réponses, ça ne veut rien dire, il s'énerve tout seul. Donc moi, ça me fait marrer de les relire après, je fais, mais voilà. Avant de faire une petite pause, encore un peu de Rock Swings. Ouais. C'est quoi ça? On dirait une musique de démarrage Windows ou quoi ça? On dirait du Joe Zaishi, non? Un peu. Ouais, bon, c'est des violons, hein. Ah, j'ai dû me tromper. Et non. C'est du Kid Rotterdam. On va partir sur du film, Glass. In my arms, in disposed, in disguise. T'as envie de dire ça parce que moi je connais plus les versions de Book of Book que le reste, donc. C'est vrai. Ouais, elle est facile. C'est la cause de ça. Bah oui. C'est beau, hein. Limite, on devrait le laisser partir. Au moins là, on comprend les paroles. C'est ça qui est bien. Parce que la version originale. Tu redécouvres les morceaux. Que tu connais. Tu penses que tu les connais pour sûr, mais. Tu connais les sons de paroles, voilà. Mais tu connais pas les paroles. Ouais, ça fait un peu le genre de. Ça pourrait être dans les musiques de Paris Dernière, ça, du monde fait. Oui, c'est peut-être dedans d'ailleurs. On essaie d'en parler un de ces quatre. C'est quoi exactement Paris Dernière? C'est une émission? C'est une émission qui passe sur Paris Première. Oui, forcément. Et donc la femme de Thierry Ardisson, je ne sais pas si vous encore ensemble. Avait sorti des compilations de morceaux qui n'étaient que des reprises un peu étranges comme ça, quoi. Mais Paris Dernière n'a pas été présenté par Ardisson. Il y a beaucoup de monde. Si, Paris Dernière, par Michel Field, je sais plus qui l'a présenté en ce moment, ça devait être Eric Nolot, je crois. Tout le monde est passé après. Même Ruquier, à un moment, a dû la présenter. Vandel, peut-être aussi. Je ne l'ai pas vu. Il faisait un truc intéressant à un moment où il mettait des petites actualités. Ça faisait un peu le mini journal, le petit journal, mais. Donc à suivre des news sur l'Oculus, donc qui est le casque de réalité virtuelle. Oculus Rift, c'est le nom. Voilà, avec des compléments, d'autres équipements qui vous permettront de vous sentir dans une réalité virtuelle. Ensuite, on parlera d'Amiga, on parlera d'un jeu qui a été retrouvé dans le désert. Et la grande légende du désert. Et d'autres news. Voilà, on va finir par écouter cette petite musique et on se retrouve juste après. Hang my head, drown my fear. Till you all just disappear. Black hole sun, won't you come? Wash away the rain. Black hole sun, won't you come? Black hole sun, won't you come? Sun, won't you come? vous êtes toujours sur l'Another Podcast et dans la radio Bellafonte, et on continue cette 10e émission avec une petite news qui est parue et qui m'a, celle-là m'a bien fait rire, puisque sur Steam on a pu voir apparaître un nouveau jeu, Citybus Simulator. Citybus Simulator. Ouais, ouais, non, tu peux chercher dans les papiers, la news elle est d'ici. Ah, but, alors. Elle est dans le canard PC. Ah, le piège. Alors, lorsque l'on va sur Steam, on voit donc cette publication de jeu et il y a un commentaire laissé par quelqu'un. Donc je cite le commentaire, hein, donc sur ce simulateur de minibus. On avait déjà eu les simulateurs de bus, de tracteur, les petites camionnettes qui nettoient les rues là. Je crois qu'on a droit à tout. Ouais, je pense qu'il y a un peu de tout, hein, ouais. Même des simulateurs de chèvres. Faut parler allemand, mais. Donc je résume la note du test. Il n'y a pas beaucoup de simulateurs de bus, mais CBS2, Munich, est l'un des meilleurs et l'un des plus réalistes simulateurs de bus que j'ai pu voir. Il dispose d'excellents graphismes, d'une bonne partie sonore et d'un niveau de détail et de réalisme incroyable. Je recommande ce simulateur à tous les amoureux du bus. Ce commentaire semble plus ou moins enthousiaste par rapport au jeu, mais... sauf qu'il a été laissé par la compagnie elle-même qui a programmé le jeu. Pas bien. Donc ASN Airsoft. Same fail. Donc c'est le seul commentaire qui est présent lorsqu'on veut avoir le jeu et c'est le... qui est censé être un avis d'utilisateur, bien sûr, et en fait, c'en est pas du tout. Bastel. Same fake. Pas fail, fake. C'est peut-être le meilleur simulateur de bus à Munich, si c'est le seul. C'est un peu comme les restaurants, quelquefois, je cherche des restaurants donc, sur Google Maps, et on va voir une super review, et en fait, on se rend compte, ça n'a rien à voir, puisque c'est écrit par le restaurateur. Au contraire, une très mauvaise review parce que, d'un adversaire, le restaurant en face, qui s'est vengé, voilà. Ouais, la friterie, ma tante, c'est dégueulasse. Elle est plutôt en face. Voilà. Chez tonton. Signé tonton. Et merde. Et merde. Mais je me demande si les ventes sont vraiment... ça se vend bien, genre de jeu. Bah, si ça coûte 5000 euros à développer et qu'ils en vendent 1000... 5 euros. À 5 euros, c'est rentabilisé. Bon. Ou 10 000 à... Bon, bref, j'ai pas envie de faire le calcul. Ben le pire, c'est que ça tombe, il y en a qui sont chers, hein, s'ils refont un moteur 3D derrière. Moteur 3D, c'est un bien grand mot. Ils reprennent des moteurs. Il y a des moteurs 3D gratuits. Hein, mais bon. Après, il y a une simulation, ils sont gentils, mais bon, c'est pas souvent de la simulation, c'est plus un truc qui ressemble, mais qui n'en est pas. Ou alors, c'est peut-être un moyen pour blanchir de l'argent de la drogue. Il y a toujours une raison cachée. Pour sortir un jeu vidéo. Ah oui, absolument. Comme les kebabs, il y a les jeux vidéo pour vendre de la drogue, bien sûr. Imagine un dealer simulator. Quoi ? Un dealer simulator. Oh, ça existe, hein. Il y avait eu ça à un moment, t'avais un petit jeu où tu devais faire passer de la drogue de pays en pays, t'achetais de la drogue, tu la revendais dans un autre pays, etc. Les jeux, on pourra peut-être en parler, faire un dossier là-dessus un jour, mais les jeux... Bon, vu qu'on parle de simulator, autant tout de suite passer la news, il y a Cat Simulator. Cat Simulator. Un jeu de simulation de chat. Quand est-ce qu'il sort ? Ce jeu de simulation de chat est plus ou moins ensuite par rapport à la news qu'on sortait la dernière fois sur The Goat Simulator, la simulation de chèvre. Mais là, ils partent sur plus ou moins sur un esprit différent où ils essaient vraiment de faire un simulateur de chat où on un truc sérieux ? Voilà. Bug ? Aucun intérêt. Donc il y a déjà des premières images disponibles, sachant que le projet est sur Kickstarter. Alors, si vous voulez avoir une expérience féline, vous pouvez participer au projet. Alors, moi, j'ai vu les quelques vidéos. Bon, ça donne pas vraiment envie de donner même pas un centime. Je pense que j'investirai pas. T'aimes pas les chats, à la base. Oui. Allergique au joli. Voilà. Mais donc, on pourra aller manger dans sa gamelle, je suppose. Aller sauter sur un meuble, aller déchirer le canapé. Exactement. Et manger. Faire pipi sur le tapis. Enfin, faire chier les gens, quoi. C'est un peu ça, le cat simulator, dans le fond. Alors, quitte à sortir un simulateur pour faire chier les gens, t'en sortir un simulateur de vieux au supermarché, hein. Moi, ça me ferait plus marrer que le reste, hein. De vieux au supermarché, de vieux sur la route. Ah. Il y en a qui ont des comptes à régler. Il n'y a pas que les vieux au supermarché. Tu peux faire un multi, parce que les vieux, ils ont souvent des chats. Et quelquefois, ils toujours vont pas de nouvelles de la version multi de Goat Simulator d'ailleurs, non ? Si, ils ont fait un patch. C'est sorti, ils ont fait un patch, tu peux jouer à plusieurs. Oh, tranquille. Voilà, c'est parti. Allez, hop, une course de chien. Bon, on va arrêter l'émission, on va tout de suite se connecter à Goat Simulator. On revient. Alors, Autre petite news, et celle-là concerne la réalité virtuelle, puisqu'on s'y approche à grands pas, petit à petit. C'est lié d'ailleurs, parce que peut-être que le jeu Cat Simulator est compatible avec l'Oculus Rift. Pourquoi pas? Bah sûrement. Tu joues à quatre pattes dans ton salon. Donc l'Oculus, pour rappeler rapidement ce que c'est, vous mettez une sorte de projecteur de jardin sur votre tête et vous voyez un peu... En 3D. Voilà, la Virtual Boy pour les connaisseurs, mais avec de vrais graphismes cette fois. Quand tu tournes la tête, ça tourne de la tête à l'écran. Ouais. Donc vraiment, tu es dans le jeu. Donc, alors j'avais vu une news par rapport à ça. Il y a une... c'est un fournisseur d'Internet qui avait montré qu'ils avaient mis donc des casques Oculus aux gens avec une caméra au-dessus. Oui. Donc ils voyaient ce qu'ils devraient voir, mais de par l'Oculus. Et d'accord. Le fait est, c'est que tu as un lag. Ah, une petite donc lapence. Tu les vois jouer au ping-pong et bah forcément ils ratent chaque balle. Tu les vois faire plein d'activités, essayer de se servir un verre d'eau, ça devient une catastrophe, etc. C'est vraiment très marrant. D'accord. Et justement, c'était pour faire de la promotion par rapport à la connexion Internet, comme quoi elle était rapide. Enfin, voilà. Moi, mais la vidéo vraiment. J'ai testé l'Oculus Rift et il y a des petites applications de test. On voit souvent sur YouTube des vidéos où les gens ont peur parce qu'on leur met leur casque et puis on les met sur une espèce de grand, on appelle ça un wagon du train de la mine. Le train de la mine, une virtuelle, et les gens tournent la tête donc ils ont un peu le vertige. Et j'ai un ami qui a testé, il y a d'autres applications assez amusantes. Tu dois poser les mains sur le clavier et dans le jeu vidéo qui vient. Tu as des insectes, des araignées qui commencent à te grimper le long des mains et des bras, et tu ne dois pas bouger les bras. Et j'imagine que ça peut être très stressant, puisque en 3D, tu vois vraiment des insectes. Oui. Donc tu ne les sens pas. Mais avec des mecs à côté qui te font des trucs sur les bras et tu vois rien. C'est amusant. Oui. C'est vrai, c'est pas bête. Ça doit être stressant, et surtout pour ceux qui ont la phobie. J'imagine pas. Donc, en plus de l'Oculus, il y a maintenant de nouveaux équipements qui sont... alors, je pense pas... On est toujours en Kickstarter, donc des gens qui peuvent donner de l'argent pour faire que le projet avance, etc. Là, on a un tapis qui permet de vous déplacer dans une sorte de réalité virtuelle. Donc, vous mettez le casque de l'Oculus, donc vous voyez, vous pouvez tourner la tête et vous pouvez marcher sur ce casque. Donc, vous avez une petite rambarde de sécurité, hein, vous avez à peu près un mètre carré d'espace. C'est une sorte de harnais, plus un truc pour les gosses quand ils sont chauds. Tu les mets dedans, ils peuvent marcher avec une sorte de truc autour. On régresse. Là, c'est... C'est sur le tapis de jeu. Maintenant, ils vont nous mettre dans un parc. Et tout. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Mais le concept est génial. Je veux dire, là, tu es sur une sorte de bol. Tu es dans un bol presque. Tu marches dans un... Mm-hmm. Ça existe déjà. Tu glisses sur le ça bon, coûte très cher et il y avait ça dans les salles de jeu. Ça coûte très cher, ça prend de la place, c'est lent. C'est vrai que là maintenant la technologie évolue tellement. Il faut bientôt une pièce spécialement de le tapis de qui serait vendu $500. Ah bah oui, c'est ça. Mais j'imagine un dispositif comme ça devait coûter 50 000 ou 500 000 dollars à l'époque, quoi. Une fois qu'on a ça et l'Oculus, je pense qu'on est pas loin de vivre dans le jeu vidéo. Ouais, puis même c'est... Pour moi, c'est déjà suffisant. Ouais. Je vois pas après où est-ce que, jusqu'où on peut aller pour améliorer, ça. Après, des tenues avec des capteurs, ce serait mettre une combinaison et à chaque mouvement que tu fais, c'est retranscrit. Si c'est un jeu de combat que tu te prends un choc, hop, la combinaison te fait ressentir le choc. Ah, avec une petite décharge électrique. Bon, peut-être pas, mais voilà, c'est bien vrai, quoi. Bientôt, on pourra faire du Naruto. Il y a déjà c'est une façon sur les manettes, certaines manettes de jeu avec les vibreurs. Quand tu joues à un jeu de combat, tu ressens un peu dans tes mains. Quand voilà. C'est vraiment un début, mais. Dans Split Second, quand t'as des décors qui tombent, T'imagines Split Second avec un Oculus Rift. Oh là là, tu vois. Et tu dois courir pour faire avancer ta voiture. La fin de la course, t'es à terre. Mais c'est vrai que en plus ça peut être un bon moyen de faire du sport pour les gamins qui jouent à des jeux de combat, Call of Duty, t'imagines, ils doivent courir toute la journée. Donc moi ce qui m'a surpris c'est que ce projet est toujours sur le Kickstarter, mais on a une vidéo déjà de quelqu'un qui joue à un jeu et ça a l'air vraiment déjà fini. Ça a l'air abouti. Ouais. Donc le mec se déplace de côté, qu'il avance, qu'il recule. Le perso fait la même chose en même temps et lui il ne bouge pas puisqu'il joue il marche sur une sorte de tapis qui roule. Un peu comme au bowling, c'est limite la même surface, j'ai l'impression. Et il est attaché par un harnais Voilà, ou comme les tapis de course où tu cours chez toi, là, ben c'est pareil, mais ça bouge dans tous les sens. Ça a l'air assez réactif, et en plus, le fait de l'Oculus, tu vois jouer le gars, c'est complètement ridicule, puisqu'il bouge pas beaucoup, et tout, etc., mais ça rend bien quand même. Donc, là, pour l'instant, aux dernières nouvelles, il y a eu plus de 3000 commandes qui ont été faites, soit 1,1 million de dollars qui ont été donnés au niveau du Kickstarter. Le problème, c'est que ce genre, on est loin de l'Oculus. Là, on a carrément un tapis, etc. Apparemment, les coûts de production sont un peu plus élevés. Il leur faudrait plus de 3 millions pour finir le projet. Bon, c'est quand même pas mal. L'Oculus VR, lui, avait récolté apparemment 12,4 millions de dollars. Il y avait eu beaucoup de buzz, hein, parce que beaucoup de sociétés de jeux vidéo s'étaient emparées du projet, avaient testé, etc. Ils ont même recruté le... Alors, comment il s'appelle ? John Carmack. John Carmack, voilà. Donc, vraiment, il y avait eu du name-dropping. Enfin, bon, vraiment, il y avait beaucoup de buzz autour de l'Oculus Rift. Tout le monde a testé. C'est super simple, c'est pas cher et ça marche bien. Et maintenant, ça fait partie de Facebook. En plus. Donc voilà, il y a le capital qu'il cherchait a été injecté, ça pour sûr, voire puissance 10. Bon, je pense que... Mais ça a des vraies applications, et c'est simple, et c'est pas cher. Et... Ah, toi, tu connais des gens... Très rapidement compatibles, quoi, c'est ça qui est bien. Il n'y a pas besoin forcément d'une machine très puissante pour que ça marche. Bon, voilà. Toi, tu connais des gens qui ont testé l'Oculus. Est-ce que ça... Moi, j'ai peur que ça me file la gerbe, dans le sens où j'aurais mal aux yeux. C'était après. Le souci avec les premières générations, parce que les casques de réalité virtuelle, c'est depuis 10-20 ans. Il y a eu des modèles plus ou moins puissants, mais qui étaient un peu ridicules et qui éventuellement filaient la gerbe, je sais pas, ça dépend des gens. Mais je pense que maintenant, justement, la technologie est tellement avancée que... Le problème, c'est que quand tu joues sur un PC, t'as l'écran qui est plus ou moins loin. Là, t'as carrément, c'est limite des lunettes et tu dois presque loucher, non ? La qualité des écrans est tellement avancée d'un point de vue technologique. Ouais, plus, les enfants qui naissent maintenant sont presque génétiquement modifiés pour être adaptés aux écrans c'est une question de génération. On voyait ça beaucoup dans les films, mais maintenant, quand je vois déjà l'arrivée des Google Glass... Oh là là, c'est terrible, quoi. Alors, je sais pas comment ils gèrent la comment on dit. C'est le cerveau qui fait tout en fait. C'est tellement proche de l'œil que ça cause des problèmes du fait que tu es obligé de toucher. Attention, je dis pas qu'il faut peut-être rester comme ça pendant 4 heures avec l'Oculus Rift. Je pense qu'il y a des limites. Je resterai peut-être pas plus de demi-heure peut-être, je sais pas trop, avec le casque sur les. Parce qu'après tu commences peut-être à perdre l'orientation et compagnie. Mais c'est plus par souci biologique, je veux dire, une information qui est trop près de ton œil, elle sera floue. Donc comment faire pour que... C'est l'œil qui s'adapte, l'œil et le cerveau. Et les jeunes de maintenant, leur plus jeune âge, ont un écran devant les yeux, et finiront, le cerveau va s'adapter différemment, je pense. Avant c'était 10 ans, je veux un scooter, maintenant c'est je veux une DS. On fait une petite pause, on se retrouve juste après... Et on continue l'émission, hein. Merci de rester avec nous sur la radio Bellafonte. Et on parlait donc du casque de réalité virtuelle avec son tapis, et on parlait aussi des Google Glass. Et j'ai vu récemment que les Google Glass, il y a eu des demandes pour qu'elles soient interdites dans les bars, ou en tout cas sur certains lieux publics, dans le sens où lorsque quelqu'un porte des Google Glass, il est susceptible de filmer un peu tout et n'importe quoi, en tout cas tout ce qui se passe autour de lui. Et pour certains, cela correspond à une atteinte à la vie privée. Puisque C'est comme si tu te baladais dans un lieu public avec un appareil photo et que tu mitraillais un peu tout ce qui se passait devant toi. Il y a des gens en face qui ne sont pas forcément contents. Les Google Glass, elles sont un peu plus discrètes. Bon, c'est quand même reconnaissable. Mais... Le fait est que certains ont demandé qu'il y ait un sigle sur certains bars interdisant le port des Google Glass. Donc il y a à peine quelques milliers de personnes qui l'ont, que c'est déjà interdit. Avec les progrès technologiques, elles seront tellement petites que bientôt tu les remarqueras. Ou elles seront intégrées à des... Elles seront dans ta lentille. Ouais, peut-être pas, mais même à des lunettes normales. Ça sera tellement petit que... Moi, je pense que c'est le but. Ils auraient pu même faire des lunettes normales avec. Hein. Ça aurait été même plus simple. Mais là, ils ont fait un style qui est différent pour justement... Ça fasse un peu futuriste pour qu'on puisse les différencier. Ouais, la politique, c'est assez discret quand même. Hein, je pense que c'est la batterie qui doit prendre le plus de place. Donc tu peux l'avoir dans la poche, mais tout est possible. C'est comme les micro-espions. Voilà. D'accord, mais la batterie qui est dans ton corps, peut-être. Tu peux avoir une caméra dans un badge ou dans un petit stylo, même dans un téléphone. Hein, enfin, bon, mais je pense qu'on arrive peut-être à un tournant. Il y a eu l'âge d'Internet, et maintenant il y a l'âge de la réalité virtuelle. Alors, peut-être que je dis n'importe quoi, mais... Notons cette date. À quand l'énergie qui vient de notre corps, on pourra peut-être la retranscrire dans un téléphone, comme ça il n'y aura plus besoin de batterie, on ne sait pas. Ouais, les bébés qui naîtront sont directement connectés dans un casque directement. Ouais, petite puce. Comme dans un film dont on est tous fans, Matrix. Ouais, bah quoi. Où tu ne sauras plus séparer la réalité du virtuel, on ne sait pas. Bon, Dom, tu m'as passé une petite news en me disant c'est oui, je lis le journal souvent et dans la rubrique des gens qui sont décédés, j'ai vu qu'une personne apparemment n'était plus parmi nous. Ah bon ? Est-ce que tu peux nous parler un peu dans de cette émission là ? Cette personne ? Quoi ? Micheline Dax ? Quoi, tu ne connais pas ? Tu m'as dit rendons hommage à Micheline Dax, donc je veux bien. Elle est morte cette semaine, c'est vrai, la pauvre. Tous ces gens qui font cette musique, ils grèvent plus vite, non ? C'est une idée. Alors, à la base, c'est une comédienne. Comédienne. Alors, en France, on la connaît surtout... Bon, elle a participé dans les années 70-80 à toutes les émissions de jeux qui passaient à la télé, etc. Et on la connaît surtout parce qu'elle faisait beaucoup de doublages. Miss Piggy dans le Muppet Show, par exemple, etc. Elle faisait beaucoup de voix, elle a fait un peu de théâtre, mais bon... Et de cinéma, mais bon, ça vaut pas le coup d'être appelé. Mais elle a une activité, on l'entend en ce moment, assez peu connue. Elle siffle. Elle sifflait. Eh bien, on l'entend. Elle a même sorti un album de... Alors, je sais pas comment on dit, si c'est sifflement, sifflotis, sifflage, sifflette, je ne sais pas. De sifflette, ça semble pas mal, hein. Un album de sifflette. Donc, la chanson s'appelle Over the Rainbow. Bah oui, c'est la chanson de... Du magicien d'Oz. Et donc c'est une vraie personne qui siffle là, c'est pas un instrument. C'est Micheline Dax. Faut savoir siffler comme ça, c'est pas évident. Elle fait pas le piano en même temps. Non, non, elle siffle. Bon, l'extrait est assez court, hein, mais voilà. Rendre hommage. C'est presque un peu long. On devrait peut-être écouter du Corbier, un de ces quatre aussi. Il n'y a pas le feu. Il n'est pas encore mort. Ouais, mais non, mais justement, je préfère, être en avance. Enfin, non. Faire un hommage de vivant. Voilà, mais je sais que... Est-ce qu'elle a repris Smile Dating Spirit, l'hommage, avant sa mort ? C'est peut-être ça qui l'a tué. Et on enchaîne avec une découverte qui a été faite récemment... Et on va parler d'un PC qui m'affectionne particulièrement. On va parler de l'Amiga. PC ? Pardon ? Tu as dit PC. C'est pas un PC ? Bon, c'est un personal computer, c'est vrai. Mais bon, attention. Hein. Non, mais avant, je disais console, je me faisais insulter. Ouais, maintenant, je dis PC, je me fais insulter. Il faut savoir. C'est un micro-ordinateur, même. Un terme qu'on entend plus souvent. Un micro-ordinateur. Donc, l'Amiga 1000. Il se trouve que une équipe d'artistes et d'experts en informatique ont fait une découverte à l'université de Carnegie Mellon. Ils ont découvert des œuvres d'art qui ont été faites donc sur l'Amiga, et pas par n'importe qui, par le célèbre Andy Warhol. Ouais, mais est-ce que c'est lui qui les a mis sur les... Non, peut-être pas. Ce sont des œuvres d'art d'Andy Warhol qui auraient été adaptées sur les disquettes. Non, non, c'est lui qui... Non, non, non, il l'a fait. Il a utilisé donc l'Amiga pour faire des œuvres d'art. Et ils ont découvert donc ces pièces. Ah, d'accord. Donc c'était une commande par la maison mère d'Amiga, enfin Commodore, à Andy Warhol qui a réalisé lui-même ses œuvres. Donc c'est des œuvres inédites, on va dire. Voilà, et le but était de démontrer à l'époque les facultés graphiques de la machine. Et du coup, ben, ça n'a jamais été publié, c'est tombé dans l'oubli, et voilà, le mois dernier, on a découvert ça. Pour être honnête, j'ai vu les dessins, bon, c'est pas le top du top, c'est du ça ressemble à quelque chose. C'est Andy Warhol. Et c'est signé d'Andy Warhol, avec sa signature. C'est Andy Warhol, c'est sur Amiga. C'est Space, et... Il y a même un autoportrait, j'ai vu, qui est un peu gerbant, mais c'est Andy Warhol. C'est Andy Warhol. C'est quand même assez rare. Voilà. Comme quoi, on peut mettre son nom un peu sur n'importe quoi une fois qu'on est célèbre. Hein. Et comme on parle d'Amiga, il y a un autre projet qui est sorti récemment qui s'appelle l'Armiga Project. Armiga, parce que ARM, c'est une marque de processeur qui est inclue dans le projet. Et Armiga, voilà. Alors, c'est vrai que je n'ai pas participé à beaucoup de campagnes où il fallait financer des personnes, mais là, c'est vrai que c'est un projet qui m'a tenté énormément. Après, il faut avoir plus ou moins utilisé l'Amiga, il faut plus ou moins être fan. Hein, les disquettes. Alors, l'Amiga Project, c'est quoi? C'est tout simplement de rendre l'Amiga un peu comme une console de salon. Mmh. Hein, disons que ça fera la taille un peu d'une Wii actuelle. Il pourrait faire plus petit encore, non? Ce qui prend plus de pas dans la chose, c'est le lecteur de disquette. Ouais, Donc voilà, donc le but, c'est si vous avez des disquettes Amiga qui traînent et vous n'avez pas d'Amiga pour y jouer, vous branchez cette sorte de petite console. Elle lit tout d'abord, elle a la capacité de lire les disquettes que vous avez de votre Amiga, ou vous mettez une carte SD avec des jeux qui sont. Des ROM d'Amiga. Voilà, ce qu'on appelle des ADF. Et vous avez la possibilité, donc en branchant ça à votre télé ou à un écran, d'y rejouer de par cette petite console qui émulerait un Amiga. Un Amiga compilé dans un petit boîtier de la taille un peu à peine plus grosse qu'un lecteur de disquette. Pour ceux qui savent encore ce que c'est qu'un lecteur de disquette. Ça fait combien de temps que le lecteur de disquette a disparu? 5 ans, 10 ans? Je suis incapable de le dire. Alors, je pense, ouais, 2000. La dernière fois que j'ai eu un PC avec un lecteur de disquette intégré, je ne sais pas. Alors moi, de par mon boulot, donc on commande souvent des portables, donc des PC portables, et la dernière édition que j'ai reçue donc en dernier temps n'a plus de lecteur CD. Wow, ouais, ça m'étonne pas. Donc toutes les éditions en avaient, et là c'est la première fois que je reçois un ordinateur portable sans lecteur CD. Ouais, c'est pas. Et moi ça me gêne pas puisque je fais tout par USB, limite ou SD par card. Ouais, c'est vrai que c'est un truc qui prend de la place pour pas grand chose parce qu'on grave plus, on lit plus. Donc peut-être un DVD, et encore même pas, parce que les films sont dématérialisés. Ou carte SD, ou voilà. Je pense qu'on va assister à la mort du CD très prochainement. Je pense que le Blu-ray, je ne l'ai même pas vu passer. J'ai eu des machines avec des lecteurs de disquettes. J'ai utilisé des lecteurs VIP, pour ceux qui ont connu. C'était des grosses disquettes de 100 mégas. Ça n'a pas duré lecteurs longtemps. De cassettes, on n'en parle même pas. Lecteur CD, lecteur DVD, graveur DVD. On avait des lecteurs à moi qui faisaient graveur CD et lecteur DVD. Et ensuite, on a des graveurs, lecteurs et graveurs DVD. Et là, on a des Blu-ray qui sont, je ne sais pas combien, un graveur Blu-ray, ça ne coûte plus rien. Les premiers devaient coûter 5000 euros et maintenant. Et j'en ai jamais eu l'occasion d'utiliser. J'ai des lecteurs DVD sur des PC. Je ne sais même pas s'ils marchent encore parce qu'ils n'ont jamais servi. Disons que maintenant, les Blu-ray, c'est limite presque un prétexte des fois pour acheter une console à PS3 ou PS4. Ouais, autant acheter une console. Voilà, c'est. Les gens, en général, ils utilisent ça, quoi. Ils ne sont même pas chers, donc ils achètent une Play 3. Ils savent qu'ils ont la VOD, le téléchargement. Mais je pense que tout ça va être amené à disparaître très prochainement. Tout sera virtualisé dans le cloud. Ça fait peur d'un côté aussi. Hein. Que tout soit dématérialisé comme ça, tes données, elles sont plus ou moins là. Quoi. Alors, donc, elles sont là, elles ne sont pas là. Et est-ce qu'elles sont... T'es sûr de... On a eu le même souci avec les images, parce qu'avant, les albums photos, les photos, on les imprimait sur du papier photo. Donc, tu peux retrouver des photos qui datent de 20, 30, 100, ou 100 ou 150 ans. Enfin, peut-être pas... Je sais pas quelle est la photo. Numérises. Elles sont jaunies, blanchies, mais elles sont encore là sur papier. Alors, tu as des gens qui ont toutes leurs photos sur un CD. Il suffit qu'il y ait un cambriolage ou un incendie, il a disparu et tu as 30 ans de photos qui ont disparu en un clin d'œil. Ouais, ou tu rayes ton CD ou ton PC, ton disque dur flash. Tu as des albums photos et voilà. Alors, c'est le disque dur. Il y a des gens qui prennent des disques durs de sauvegarde, et ils sauvegardent, ils mettent leurs photos, des trucs multimédia, tout ça. Si ton disque dur il lâche ou autre, il faut avoir une copie, deux copies, trois copies. Moi je commence à sauvegarder sur Google Drive, par exemple. Par exemple, toutes les émissions, je les mets sur mon dur, mais ma sauvegarde est sur le Google. Voilà, tous les papiers importants, les factures, je sais quoi. Mais c'est pareil, c'est. C'est scanné, mis sur Drive, et voilà. Est-ce que ça restera indéfiniment? Bon, Google, je pense qu'on n'a pas trop de risques. Oui. Tu seras mort avant, je pense. Mais il y a plein de choses. C'est vrai qu'un CD gravé. Un CD gravé a une espérance de vie de peut-être 10 ans. Enfin, c'est difficile à dire, ça dépend comment il est stocké, s'il est au sec ou pas. Voilà. Il y a des marques qui sortent des CD de haute résistance qui sont en garantie 100 ans. C'est compliqué tout ça. Bah, c'est comme le mec qui a gravé tous ses souvenirs de famille sur VHS, enfin, qui a tout filmé par VHS. S'il perd son lecteur, maintenant il va en chier le pauvre. Hein. Ah, vous trouvez des lecteurs, oui. Pour avoir des contacts. Tu renumérises tout, en fait. Tu peux. Non, l'avenir, c'est les clouds. On parlait d'Amiga. On parlait d'Amiga Project. Donc voilà, donc si vous voulez participer, vous pouvez commander déjà un exemplaire aux alentours de 139 $, ce qui fait une centaine d'euros. Ouais. Et plus vous 35 avez... euros de frais de port. Hein. Voilà. C'est pas tellement le prix du projet, je dis 99 euros, j'aurais pu craquer. 35 euros de frais de port, ça me fait un petit peu mal. Moi, j'allais prendre carrément l'édition supérieure où tu recevais la Kickstart, etc. Oui, le tout était déjà installé avec un système Android. Mais c'était 200 € plus frais de port encore, ouais, également. C'est un petit peu abusé quand on a un Amiga qui marche ou un émulateur sur son PC. On refait une petite pause et on se retrouve juste après. Another podcast. Vous êtes toujours sur la Another Podcast et sur la radio Bellafont. On continue avec petit quiz musical maintenant. En avant. On a chacun ramené une partie de quiz musical avec chacun un thème différent. Je te laisse l'annoncer et moi je le lance de mon côté. Il se trouve que récemment, depuis plusieurs années, Hollywood a de moins en moins d'imagination. Et ils se contentent de faire des remakes. Alors je dis reboot, mais c'est des remakes de films. Ils ressortent des films. Alors, on dit pas non, bien sûr, parce que sinon ça va donner des solutions. Et j'en ai retrouvé quelques-uns. Bon, 5 ou 6 quand même. Et donc là, j'ai retrouvé les musiques originales. Alors c'est laquelle, celle-là ? La numéro 1. La numéro 1. Ah oui. Donc on va faire par ordre chronologique. C'est vieux. Donc ça, c'est la musique du film original qui a été repris. Il a même été repris. Alors il a été repris une fois, dans les années 2000. Il va bientôt ressortir au cinéma. Encore un autre remake. Un film de guerre. En sachant que la version originale a connu des dizaines de versions de base, de suite. Star Trek. La version originale. Écoutez bien la musique. Oh, c'est une sorte de Godzilla, ça. Bravo, Godzilla. Il a entendu le. 1950. Tu peux d'ailleurs passer le bonus. La version bonus. J'ai dû couper le début du. Original, sinon c'était trop facile à reconnaître. Alors qu'on est tout de suite le doux cri de Godzilla. J'ai été voir un film Divergente au cinéma et il y avait la bande annonce de Godzilla. Ah, sympa! Donc les bandes annonces étaient mieux que le film que j'ai été voir. C'est un peu décevant. Mais... Ah, Godzilla est classique. Donc le premier film de 1954, musique de Akira Ifukube. Mais le bonus, voilà. En fait, c'est la c'est même ça, chose. C'est juste parce qu'il y avait le cri au début. Donc tu vas ensuite passer le numéro 3. Je vais les faire dans l'ordre chronologique. Ouh, le démarrage est très lent. Ça va être très dur à reconnaître. Donc il a eu un remake. Et ensuite, plus récemment... Alors est-ce que c'est vraiment un remake ? La planète des singes. Bon, alors là. Mais c'était Zadis. C'est ça. Le premier film de 1968 s'appelait Des singes. Musique de Jerry Goldsmith. C'est un monstre. C'est important de noter. C'est trop facile. Oui, mais là, passe tout de suite. Avance d'une minute environ. Avançons, avançons. Parce que c'est très long à se mettre en place. T'as les indications dans le lecteur sur le. Non, c'est pas ça, c'est qu'il dit, c'est ressorti, c'était pas vraiment un remix, c'est que c'est vrai, dans la planète des singes, il y a eu un nouveau planète des singes, c'est assez spécial quand même. Il y a eu un planète des singes de, comment il s'appelle, Tim Burton, je sais pas. Qui était vraiment un remake de ce film-là de 1968, et ensuite récemment, on a eu la planète des singes, sauf que c'est l'apparition des singes, on voit comment la planète est, c'est pas la même chose que le film original, tu peux encore un peu avancer. Parce que c'est vraiment des musiques excellentes. Ah là. Il y a même une série dans les années 70-80, à peine des singes, avec cette musique. Je suis même pas sûr d'avoir vu le premier, mais le dernier, je l'ai c'est vu. C'est vraiment excellent. Suspense, Jerry Goldsmith et Jerry Goldsmith, vous n'avez pas fini d'entendre, puisque dans les 6 morceaux que j'ai ramenés, il y a 1, 2, 3, au moins 2 morceaux de Jerry Goldsmith. Bravo. Le suivant. Alors, je me suis un peu trompé. Celui-là, c'était de 68. On retourne un petit peu en arrière. Oh là là. En 67. Donc, tu passes le numéro 5. Alors là, si vous reconnaissez. Et... 67, on reconnaît bien hein, la musique de l'époque. Donc c'est un film qui a eu un remake avec le même nom exactement. Dans les années 2000, on va dire. Vous ne connaîtrez jamais. Parce que ça, c'est la musique du film. Mais pour vous aider dans ce genre de film, dans cette collection de films, il y a toujours une chanson qui est associée à chaque film. Comme du George Lucas. Mais non. Là, tu peux peut-être passer. Il y a un bonus qui est associé au numéro. Voilà. Parce que bonus. Ça, c'est la chanson générique. Ça me dit quelque chose, ça. Une série de films. Et à chaque film est toujours attaché à une chanson. Souvent par un artiste différent. Et le remake était sorti dans les années 2000. Avec un acteur différent pour jouer le rôle principal. Superman. Non. Ah merde. Ça, la musique sonnait pas mal hein, pour un Superman. Mm-hmm. James Bond. Oui. J'y pense. C'est un James Bond. Oh. J'y pense. Je l'ai pas dit. J'ai pensé à Skyfall. Je me suis dit. Non. Non, non, mais le Skyfall. Le remake a le même nom que l'original. L'original est peut-être moins connu. Ah non, c'est Casino Royale. Ah. Il y a eu un Casino Royale en 1967 et ils ont ressorti un Casino Royale dans les années 2000. Voilà. Avec un acteur. Musique de Burt Bacharach. Ton thème, c'est facile, c'est ça, ça. Alors, on c'était, va passer en 1982 pour l'original, donc c'est le 6. Alors là, il y a un bonus, je crois, mais on va pas passer le bonus, c'est trop facile. Il n'y a pas de bonus, il y a un menu. Si, il y a un bonus. Ça, c'est directement, vous allez reconnaître tout de suite, à la 35e seconde. Vous pourrez peut-être reconnaître avant. Un film qui a connu donc un remake, récemment. Enfin, c'est inaperçu, mais bon. L'original. On va devoir attendre la 35e seconde. Pas sûr. C'est tambour. Roger Conan. Conan. Le barbare. Oh là là. Oh là là. On peut le laisser. Là. Mais je l'ai vu c'est au cinéma. La version avec le prologue. La version avec le prologue. Conan. Conan. Putain, c'était facile. Je vais même pas reconnaître le début. Musique de Basil Poledouris. Et il n'y avait pas de chanson menu. J'ai menu, c'est pas ça. Non, c'est... Non. On va entendre ensuite. Voilà, voilà. Si j'avais mis tout de suite ça, en deux secondes, tu connaissais. Quand même. C'est l'occasion d'entendre ça. Ça se laisse écouter quand même. Je verrais bien une reprise en sifflement par Nack, mais je crois que ça resterait quand même très fort. Écoute ça. Et c'est lié aux jeux vidéo, toujours à tout ça. Putain, je dis Edge of Conan avant de dire Conan le barbare. Mon dieu. 82 quand même, et ça se regarde toujours aussi. Musique douce. Suivante. Alors, c'est la. On passe. On gagne 5 ans, on passe en 87, la 2. Vous croyez qu'on n'a pas changé d'univers? C'est normal, c'est le même compositeur. Basil Poledouris. Un film qui a connu un remake. Je crois qu'il vient tout juste de sortir. Il ne va pas tarder à être en DVD. C'est lié aux jeux vidéo parce que ça a été adapté en jeux vidéo. Trois fois en jeux vidéo, ça a été adapté. Ah, c'est un Star Wars. Non. Bon, il y a eu beaucoup plus de trois adaptations de Star Wars. Il y a eu trois de ce film-là. Et c'est pas Conan, pourtant c'est le même réalisateur, il s'est pas foulé. C'est pas le même acteur. Il y a un air dans la musique qui me rappelle quelque chose. C'est possible. Il y a eu un remake il y a pas longtemps. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Et pourtant. un remake il y a pas longtemps. Je cherche dans le même genre, tu vois, Conan. Non, pas du tout. C'est pas du tout le même genre. Pourtant, c'est un héros solitaire. Très c'est fort. Pas Prince of Persia, là. Non, pas du tout. C'est complètement contemporain. Enfin, un petit peu futuriste. Quoique maintenant, on a parlé d'Oculus Rift tout à l'heure et tout, on est... Est-ce qu'on pourrait faire ça maintenant? Parce que c'est encore de la science-fiction. Je crois qu'on va donner notre langue au chat, là. Robocop. Mais il y avait un télé, on l'entendait. C'est le même réalisateur que la musique de Conan. Il y a, on sent bien. Mais il y a un truc qui est sorti récemment de Robocop. Il y a un nouveau Robocop en 2014. Ah merde. Tu vas me dire la dernière, c'est la 4. C'est la 4. En 1990. Toujours pas né. Alors ça va pas éviter un arcane. Et il y a eu un remake. C'est le thème remake en fait. Ah, c'est le thème, les remakes. Les films qui sont qui ont été réadaptés. Bah, c'est Conan. Et non, ce n'est pas Conan. Bah, si, c'est Conan. Ah, bah non. C'est pas du tout le même acteur. On retrouve Jerry Goldsmith. C'est pas Conan, mais. Il y a quelque chose de Conan quand même. L'acteur par exemple. Oula, je donne un gros indice. Oh là là là là là là. C'est trop facile. On trouvera pas, mais. L'acteur de Conan. C'est pas facile. La musique est pas forcément connue aujourd'hui. Mais il y a un film avec le même acteur que Conan qui a connu un reboot. Enfin, Terminator Non. Non, il n'y a pas eu de nouveau. Enfin, il y a eu un nouveau Terminator, mais c'est toujours la suite. Non, là, ils ont refait. Ça va même être adapté. Ça a été adapté en série télévisée, d'ailleurs. Mais... Un film avec Schwarzenegger. Ouais. Tout le monde s'accorde à dire que l'original est toujours mieux que le remake, comme souvent. C'est pas le truc où ils sont sur Mars, quand même. Si. Oh putain, je vais me faire insulter, je me souviens plus de ça. Ils sont sur Mars, voilà. En plus, il y a une question de mémoire, alors. Et vraiment, ça... ils ont refait un film récemment, et c'est une grosse daube. C'est une daube. J'avoue que la musique est peut-être moins connue. Ah là là là là. Recall. Ah, à la moitié du nom. Total Recall. Total Recall, voilà. Ouais, bah, c'était dur, hein. Et vous êtes encore dans la 9h podcast et sur la radio Belafonte. Et cette fois-ci, c'est à moi de présenter un petit blind test. Alors, Dom avait comme thème les films reboot ou qui ont subi un remake. Et moi, j'ai écouté nos récents auditeurs qui se sont plaints de la difficulté de nos quiz. Alors, le film est encore trouvable. Hein. Donc, le thème, tout simplement, le thème de mon quiz est facile. Et je vais enchaîner un peu sur le... Puisque Dom, toi, tu nous parlais de films. Moi, j'ai fait des génériques de début. Attention, c'est très facile, hein. Je répète. Ah, petit poney. C'est un remix. À la guitare. Paris Texas. Non. Je me connais. C'est trop lent. C'est ça. Faut accélérer là, tu peux passer en. C'est E.T. non, un truc du genre. Oh là, je reconnais, mais c'est tellement lent. Mais je sais pas, ça vient de. Tu peux dire la réponse au ralenti, hein. Faut que j'accélère dans ma tête, c'est pas évident. Mais si, c'est un grand film. Oh, c'est trop lent. Mais qu'est-ce que c'est. J'arrive pas. Je connais. C'est Jurassic Park. Bon, c'est Jurassic Park. Voilà, je l'ai trouvé. Je l'ai entendu dès le début, mais je me souvenais plus de celle-là. Ouais, je l'ai fait bip. C'est sympa, c'est bien, garçon. Je pourrais être précis. Je vais pas reconnaître cette vitesse-là. Si, je la reconnais tout de suite, mais... Tu m'entends? Y'a que ça, y'a que là-dedans. Alors, comme j'ai pas noté c'était quoi les chansons, je vais pas pouvoir annoncer ce que c'est. C'est pas grave, c'est facile. On est dans le jeu vidéo là. C'est un jeu vidéo. Alors, je suis sûr que certains auditeurs ont déjà reconnu. C'est pas jouer avec les pièces. Non. Ça ressemble plus à un jeu de sport. Ouais, ça peut être un jeu de. Presque sport, presque pièce. Un jeu de poker ou de. C'est pas un jeu de casino, non? C'est un Mario. Mario, on n'est pas loin, on s'approche. Il y a des pièces. Oui, Mario Kart. Mario Kart, effectivement. Oh là, ça devait être un il y a au début. Mario Kart, ouais. Il y a même un 8 qui est sorti. Pareil. C'est. On parlera du 8 dans 2 semaines. Et la suivante, également facile. C'est peut-être un remix. Jeu de combat ? Non. C'est un jeu de combat. Non, je sais ce que j'ai dit. C'est plus jeu de combat. Attends, on va te donner des indices. C'est une série. Série animée ? Non. C'est Power Rangers. Ah oh là là là. Je le dis en plus, mais ouais, j'avoue que là, c'est spécial. C'est version Metallica. Ah oui, c'est une version adaptée. Là. Quelle horreur. Et moi qui me balançais là-dessus, mais non, j'ai honte. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Pourquoi j'ai dit ça? Go go Power Rangers! On en est loin. Hein. Ah non! Bien vu. Je sais pas pourquoi j'ai dit Power Rangers. Ça m'a inspiré pour voir. J'y ai pensé tout de suite aussi, mais. Attention, la suivante également est très facile. Version orchestra. Vous avez deviné. Ah, c'est Tata! Ouais. Ah, oui. Direct! Oui. Bah, la version d'origine aussi est un peu orchestrale. Ouais, c'est vrai. Très. Oui, marqué orchestra, mais je pense que c'est la même. Non, on l'a refait quand même. Alors, je pense que Tintin, ça reste l'une des meilleures adaptations bande dessinée qu'ils ont fait en. Le film était pourri, enfin, j'ai pas vu, mais. Les gens disaient que c'était bien. Moi j'avais bien mais aimé. Le dessin animé, ouais, c'est vrai qu'il était. J'avais bien aimé Le Secret de la Licorne, moi. C'était spécial. C'était fait par. Spielberg. Moi j'aime bien les dessins animés. Attention, la suivante, l'indice. C'est facile. C'est un remix. Ouais, parce que je. Je ne retrouverai jamais ce que c'est. Ah si. Ah non. Ah. Je connais. Ah, je connais. Oh là là là là. Je ne retrouve pas le nom. Hein, je. C'est la mémoire. Il y a sûrement qu'il y a des gens qui s'arrachent les cheveux là en c'est écoutant. C'est la mémoire qui fait défaut. C'est une série, non? C'est un jeu. Un jeu? Je suis pas sûr que non. Ah, je me vengerai avec mon prochain coup. Attention. Un jeu de combat. Hadouken! C'était facile. J'ai pas souvent joué. Street Fighter 2. Turbo ou Super Turbo? Ça doit être le normal, c'est le thème de Ryu. Enfin, il est super connu ce thème. Le dernier est très très facile. Faut trouver en combien de secondes? Tetris. Ah oui, c'est Sonic. Je crois que j'ai jamais joué. Non, non plus, je connais la musique. Je vais aussi vite. J'aurais dû donner un temps où on ne devait pas réagir. On va s'écouter quand même. Orchestra encore. Juste pour plaisir de... Pas grave, je me vengerai. Il y a déjà ses idées en tête. J'ai un morceau que je ne trouverai jamais. Ouais, on connaît, mais on ne retrouvera pas. C'est ça. Tant que vous ne trouvez pas, je le proposerai celui-là. Petit poney. Tu connais tout de suite, petit poney. Sonic the Hedgehog. Le remix. Gris et ton petit poney. Petit poney. Petit poney. Vous allez m'obliger à sortir un off de l'émission. Petit poney. Oui, je fais les bruits derrière. Petit poney. Il faudrait se faire des trucs comme ça. A cappella. Eh ben, Laurent, c'est à ton tour de faire le quiz. Et moi, j'ai besoin de l'ordi. Parce que là, ça part sur un blind test très, très, très, très spécial. Alors, c'est un blind test qui fait référence à quoi? Au bruitage. C'est les bruitages de jeux vidéo. J'ai pas mis autre chose. J'aurais pu mettre des bruitages de séries, de films, on sait pas. Ah, au début, j'ai travaillé sur la série, puis en fait, je me suis arrêté sur le film. Bon, je vais monter en puissance au fil du temps. Donc, les premières, c'est vraiment dire de se lancer dedans. Allons-y. On est concentré. Alors, la première, c'est vraiment mais bidon. Quake 3. Bah oui. Ah, par contre, il va falloir monter le son. Une prise de bonus d'armure, je sais pas quoi. C'est pas quand tu prends un bonus d'armure? Non, c'est quand tu fais un rocket jump. Yeah. Ouais, c'est le rocket. Ça, c'est quand tu retombes. Là, tu t'es fait mal. C'est pas j'utilise, ouais. Moi, j'utilise que le gauntlet. Ah oui, vas-y. Ouais. Alors, deuxième son, aussi très facile, j'en ai qu'un. Mais c'est un son qui est très facilement reconnaissable. Oh là, ça peut tellement de jeux aussi. Aïe, aïe, aïe, aïe. Non, non, non, Metal Gear Solid, tu viens de te faire repérer. Exactement, Metal Gear Solid. Ouais. Alors, le prochain, c'est l'un des sons de jeu qui est le plus stressant au monde, je trouve. Aïe, aïe. Très facile à reconnaître. Comment vous n'avez pas retrouvé déjà assez de temps? C'est bizarre d'avoir le son tout seul. C'est peut-être perturbant. Oh non, des fois, tu l'as très souvent tout seul. Ah là là. Encore une fois. Non, je vois. Ah, pas je vous le remets. C'est difficile de reconnaître tout seul comme ça. Non, non, c'est super facile. Quand on l'aura, oui, sans doute. Ça s'appelle un Cliff Racer. C'est une bestiole. C'est dans Morrowind. Exact. C'est les putains de bestioles qui volent. Ça fait ce bruit-là. Bah, eh oui. Oui. Ah si, tu l'entends très souvent, tu te balades tout le temps dans la nature, t'en as un, tu peux jamais le toucher, et t'as très souvent ce bruit stressant derrière. Ouais, je sais pas. Ouais, si, si, je te remets maintenant que t'es dans le contexte. Putain. Ah, j'essaie de le remettre. C'est parce qu'il y a souvent la musique avec et tout. Ouais, t'as les bruits de pas, t'as pas les bruits d'épée qui ratent tout le temps. Alors, le prochain, j'en ai quelques-uns. Ça devrait être facile à reconnaître. Windows, facile. Windows 7. Ça devrait être facile à reconnaître, mais on sait jamais, j'en ai plusieurs. Oh! Heroes 3. Exactement, oh, oui. Heroes 3. Ouais. J'en avais eu plusieurs, mais bon, c'est vrai que... C'est assez facile à reconnaître. Quand on y a joué, c'est un son qui est... C'est Windows encore! C'est toujours Windows 7. C'est trop facile de tester. En le prochain, vous me l'avez demandé, je vous l'ai donné. Le voici. Ça peut être beaucoup de choses, et ça, c'est Warcraft 2, non, 3. Ça peut être beaucoup de choses. Même du Banished. C'est du Banished. Ah, il y a plusieurs qui sont mélangés. J'y ai pensé tout de suite, mais il y avait beaucoup de sons. Mais c'est vrai que le coup de la hache, j'ai reconnu quand même. Le Warcraft 2... C'est vrai que tous les jeux où il y a du minage, tout ça, ça ouais, reste un peu le même. Warcraft 2, quand tu envoies tout de suite... Ah oui, tout de suite, le coup de hache, c'est le même. C'est une référence, peut-être. Vous m'avez demandé, vous avez dit, ouais, t'as mis une musique de Banished, on m'a pas reconnu, t'aurais mis les bruitages de mine, on vend... Eh ben, ils l'ont reconnu, c'est bien. Ça va. Le prochain, on y a tous joué. Mais saurez-vous reconnaître les sons qui sont assez subtils, comme celui-ci. Voilà, le démineur. Non, repasse le solitaire. Je connais, je. Non, ça, il sait. Je cherche un jeu qui est dans le. François, ça lui trotte là, ça veut pas venir. Ouais, oui, ça tape dans l'esprit. Et je vous mets. Remets en boule. Autre chose. Ouais, oui. Oh là, ça va être dur. Pangia. Oh là là, oui, c'est les menus et tout. Ouais. Ouais, ah merde, je viens de rater, mais. C'est vrai. Il y a aussi le fameux. Ouais. Le spin. Ouais, oui. On pourrait faire tous les sons. Hein. Parce qu'il n'y a pas la musique en fait. Ouais. J'étais tellement content de faire la musique. Ouais, je les ai tellement entendus ces sons. Voilà, c'était un joli cobra. On fait long. Overdrive. Voilà. Un très bon jeu de golf. Le meilleur jeu de golf, je pense, d'adaptation. Ouais. Pas réaliste, mais fun à jouer. Ouais. Alors le prochain, c'est un jeu qui date un petit peu. Je sais pas s'il a mis à jouer, mais bon. Les premiers sons sont assez subtils. J'en ai mis un dernier qui devrait faire la différence. Alors ça peut être dans n'importe quel jeu. Un power-up déjà. Ouais. Un power-up. Il y a up en effet. Bon, un deuxième peut-être. François, il commence à se rapprocher. Oui. Le troisième, normalement, vous devrez trouver. Hein. Aïe. C'est pas Edge of Wonder, il y a ça. Ouais, non, mais oui, mais on y a joué, là, j'ai joué. C'est stressant, ce test. Ouais, c'est stressant. Non, mais oui, ça peut être... Bon, un dernier pour vraiment vous dire de vous mettre la puce à l'oreille. Oh, mais oui. Non, Nord et Sud oui. C'est la trompette de Nord et Sud. Tu viens de level up, là. C'est la trompette de Nord et Sud. Vous ne trouvez pas? Moi, ça me fait penser à une sorte de Heroes and Mathematics. Ouais, pareil, mais non. Je pensais à Edge of Wonders, non. C'est un MMORPG. Tiens, je te soigne, oula François. Oui, je vois, c'est... J'ai pas le nom, mais je vois le jeu. J'y ai joué, pourtant. C'est Ragnarok. Voilà, Ragnarok. Oh, je cherchais le jeu en 2D. Je l'avais en tête, mais j'osais pas. Je l'avais. La trompette, non. Ah, si, non. Tu l'entends souvent quand tu level. Enfin, ça dépend, dans la version originale, tu le veux pas souvent, mais bon. Alors là, j'ai pris le son du jeu quand on joue. Enfin, ça devrait être reconnaissable si vous y avez joué. Si on y a joué. Ouais. Le coup de la porte, là. Ah oh là, j'ai pris ça. Je connais que ça. Arcanum, ah, c'est Arcanum, mais oui, c'est incroyable. C'est le touloulou qui est là, vraiment, là, c'est Arcanum. À chaque fois, t'as un message, t'as ce son. C'est vrai. Mais les bruits de pas, c'était pas là. C'est... C'est pas des bruits de pas, c'est des bruits d'inventaire. Ouais. Ah, t'as fait les bruits toi-même ou j'aurais... Non. Attention. Windows. Alors là, il y a trois sons, mais je compte vraiment sur le dernier. Le premier, bon, c'est vraiment un son à la con. Est-ce que vous reconnaîtrez? Quake. Doom 2. Doom 1. Doom 1. C'est Doom 1. C'est vrai. Doom c'est 1. Le son d'un monstre. Est-ce que vous verrez? Ah, je sais plus le nom du monstre, mais oui, c'est celui qui crache des boules. Oui, j'en ai tué des millions. Il y avait... J'en ai tué des millions. Ah oui, le shotgun. Il y a vraiment le son qui me fait penser à Doom, c'est... Ouais. Là, c'est les portes. Oh là là, c'est terrible. Ouais. J'ai massacré tellement de ces monstres. Même le son des portes est stressant. Ouais. Tout est stressant. Alors là, c'est un petit jeu. Je pense pas qu'on y a joué énormément, mais on y a joué. On verra. Mais même si vous n'avez pas joué au jeu, vous devriez reconnaître d'où ça vient. Bon, j'avoue que le premier. J'avoue que là, ça peut être beaucoup de choses. D'accord. Est-ce que ça vous dit peut-être quelque chose? Oh, le psy! Ah oui, ça me parle, mais j'y ai joué à ce jeu-là. Tu parlais du... Ouais, ça. C'est un Dragon Ball Z, ça. C'est un Dragon Ball Z, mais qu'est-ce que c'est comme jeu? Mais c'est le MMO Dragon Ball Z. Le SNES, le jeu de combat. Le mode pour Quake 3 de Dragon Ball Z. Non. Ah, j'aurais testé. Il s'appelait... Oh, il est vraiment bizarre. Beat for Power. Beat for Power. C'est Dragon Ball Z Lemmings. Est-ce que vous vous en souvenez? Alors, pas du tout. On avait un petit jeu, c'était les mix, mais c'était vachement bien fait, un bon petit jeu de combat. Si tu veux pas que je te parle comme à la SNCF. Bon allez, le prochain, il est vraiment bidon. Je vais mettre tous les sons d'un coup. Le premier qui trouve... Voilà, attention. Non, la suite. T'en mets pas la peine. Bah, ça aurait pu être... Ça aurait pu être n'importe quoi, mais non, c'est vrai. Donc il y a une version Android qui est sortie de Nord et Sud d'ailleurs, qui a pas forcément fait Nord carton, mais qui est présente quand même. Donc ça c'est quand t'appuies sur le cul du photographe lors du choix des options. Alors ça on y a beaucoup joué. Je vais mettre des sons. Si vous trouvez le premier, vous êtes balèze. Alors peut-être que le son du menu vous avez. C'est déjà plus parlant. Très bien, bon dans ce cas-là. Très bien. Warcraft 2. Warcraft 3. Ah ouais, merde. Ah le 3. Ah bah dans votre prénom, c'est François. Votre père foutre. C'est quoi ce bordel? T'es dans Frozen Throne avec les tours des funs, tout ça. Aïe aïe aïe. Ah, maintenant que tu le sais, est-ce que tu reconnais ce son de menu? Peut-être. Ouais, c'est pas évident. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué. C'est pas évident. On n'a pas joué. Donc j'ai tout passé. Il me reste juste le ending. Donc c'est un ending très connu. Je sais pas si vous avez joué au jeu. This was a triumph. Oh. I'm making a note here. Huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Vous avez un gun. Un portal. C'est la fin du jeu. C'est la fin du portal. Portal. J'ai reconnu la voix de la fille. Ouais. J'ai pas joué, donc voilà. Je vois un peu. T'as une excuse. Il est très connu et a eu énormément de reprises, mais pas énormément qui sont très bien. Donc j'ai pris un country. Version country, tant qu'à faire. Donc voilà, la prochaine émission sera une émission spéciale jeu de plateau. On aura en notre compagnie Pierre-Yves et on fera une paire d'émissions, je pense, et on jouera même à des jeux de société en direct. En live. Ouh là là. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine émission de l'Another Podcast et d'ici là, portez-vous bien. Bye.